L'actualité à Nancy et ailleurs. Découverte d'un lieu original, c'est à l'Axou, c'est au 47 rue Voltaire et ça s'appelle Court-Circuit. Et pour nous en parler, eh bien, les deux créateurs de ce lieu, Cynthia et Adrien, bonjour. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes à l'origine de Court-Circuit. Ça a commencé quand cette aventure ? En fait, le projet est né dans notre tête à la fin du premier confinement, donc en mai 2020. Et on a réussi, à force d'acharnement et de travail, à ouvrir la boutique le 30 mars 2021. Voilà. Donc un an et demi à peu près. C'est ça, c'est une boutique, mais c'est plus que ça, c'est un lieu de vie où on peut faire et découvrir plein de choses, se rencontrer, apprendre des choses. Votre parcours, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Vous l'avez dit, ça a commencé pendant le confinement, c'était pas du tout votre travail avant ? Bah, en fait, c'est notre propriétaire qui avait ce lieu, en fait. On habite dans le même local, il y a une terrasse intérieure et il nous a dit, lors du premier confinement, qu'il partait en retraite. Moi, j'étais moniteur d'escalade au club alpin à Nancy. Moi, j'étais infirmière. Avant. Et on a sauté sur l'occasion avec le local, surtout. Quand on a su que ça se vidait et qu'il cherchait quelqu'un pour reprendre et faire un commerce ou quoi que ce soit, on a sauté sur l'occasion. C'était un petit fantasme qu'on avait et on a profité du local. Donc, on a eu le lieu avant même d'avoir vraiment tout le concept de ce qu'on allait y faire, finalement. Et donc, on est parti sur une épicerie. De produits en vrac principalement, ça correspondait à nos modes de consommation. Produits en vrac, le plus possible bio local. On y a rajouté un espace bar parce que ça correspond aussi à notre mode de consommation. Et on fait également pas mal d'événements, des concerts, des ateliers, des expositions d'artistes. Et voilà, c'est un local à vivre, dit-on, avec un S entre parenthèses. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi que ça existe, hein, c'est ouvert. C'est ça. Est-ce que vous imaginiez qu'un an et demi plus tard, vous en seriez là aujourd'hui ? Bon, on l'espérait, oui. Oui. On pensait que la boutique, en tout cas l'espace épicerie vrac, allait vraiment prendre beaucoup plus d'ampleur. Et finalement, c'est surtout l'espace bar et l'espace culturel qui a pris beaucoup d'ampleur, avec des tas d'expositions, des tas d'artistes qui viennent nous voir pour faire des concerts, des ateliers. Donc à ce niveau-là, moi personnellement, j'en suis ravie. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait une telle adhésion. Ça a dépassé même vos attentes. Par rapport à ça, oui. Après, effectivement, niveau épicerie vrac, qui est écologie pure et dure, parce que nous, on est vraiment militants pour le zéro déchet et un autre mode de consommation alimentaire, en tout cas. Là, il y a une grosse crise qui est plutôt nationale, c'est assez compliqué. Donc là, il y a une petite déception à ce niveau-là, finalement. En fait, on a ouvert en pleine crise et il y a plein d'épiceries du même style que nous qui ferment, qui ne tiennent pas. Nous, on a la partie événementielle qui nous fait tenir quand même. Mais le côté zéro déchet, bio local, ça marche en théorie, mais en pratique, pas assez. Finalement, les clients ont fait de ce lieu ce qu'ils voulaient en faire, quoi. Donc, on va pas du tout s'en plaindre pas, hein. Au contraire, le concept fonctionne. Est-ce que vous, justement, pouvez nous expliquer un peu comment vous fonctionnez aujourd'hui ? Vous êtes ouvert comment et comment on peut venir découvrir Court-Circuit Nancy ? Alors, nous, on est ouvert du mardi au samedi. Les mardis et mercredis, c'est 10h-20h en non-stop. Et le reste de la semaine, jeudi, vendredi et samedi, c'est 10h-22h en non-stop. Et en général, les événements, en tout cas les événements musicaux, c'est le samedi soir. On est aussi installé dans un quartier résidentiel. C'est pas hyper simple à trouver dans une petite rue entre les trois villes, l'Axou, Nancy et Villers. Et c'est en cour intérieure, donc il faut passer un porche. On a un peu l'impression de rentrer chez quelqu'un, quoi. C'est pas. Voilà. Il n'y a pas pignon sur rue. Voilà, ça n'a pas pignon sur rue. Mais c'est aussi un des charmes du lieu, hein, la petite cour qui est un peu cachée. Les gens s'y sentent bien. C'est l'occasion de ne pas hésiter à pousser votre porte au 47 rue Voltaire à l'Axou. Et parmi les événements qui approchent, certains, il y a un concert le 22 octobre. Ce sera du slam et de la chanson, je crois. Oui, alors du coup, ce samedi-ci, là, on a un atelier slam, un atelier d'écriture. Et samedi prochain, on aura donc la restitution de certains, en fait, qui ont écrit les textes ici déjà et qui vont faire donc du slam à partir de 20h, je crois, ou 20h. Oui, c'est ça. Voilà. Et avant, il y a Mouloudji qui vient, qui est un slameur aussi et poète. Et qui va faire un concert de 18h30 à 19h30. Le 22 octobre encore, oui. On a aussi une journée tatouage. C'est-à-dire qu'il y a Ça va être tout noir, c'est le collectif La Mutinerie qui viennent. Je crois qu'il y aura trois tatoueuses ou deux tatoueuses, je ne sais plus. Et voilà, ce sera des tatouages flash aussi à faire dans la boutique. Toute la journée. Et donc ce samedi 15 octobre, des ateliers slam qui sont ouverts encore ou c'est trop tard pour s'inscrire ? Non, c'est Non, mais encore c'est bon. toujours En bon. fait, on avait des événements prévenus le soir, mais ils ont été annulés. Donc, du coup, on n'a que l'atelier slam jusqu'à 18h, de 16 à 18h, qui est C'est encore encore possible prévu. de s'inscrire via Et les réseaux après, sociaux. on risque de fermer la boutique et d'aller nous divertir dans d'autres lieux. Certainement au Michelot et peut-être au NJP, on ne sait pas encore. Donc le court-circuit, c'est à l'Axou, c'est au 47 rue Voltaire, je le rappelle. Bien sûr, pour suivre votre actualité, il y a plusieurs méthodes. Vous avez un site internet, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Comment vous recherchez, comment on vous trouve? Court-circuit Nancy sur Facebook et Instagram, où là on met régulièrement tous les événements, les ateliers, ce qu'on organise, les rencontres. Voilà, il y a toutes les infos là. Notamment, on a aussi une newsletter qu'on envoie à nos clients, donc enregistrée dans notre base de données, et où on met tous les événements du mois d'après. Et on ne fait pas aussi que des événements les samedis. On a aussi un atelier écriture pour enfants mercredi prochain, là, le 19, avec Christine Villemain. On a aussi un atelier sur la communication non-violence le jeudi 20, du coup. Et voilà, on a vraiment, on essaie de faire des choses un peu tout le temps, même en semaine. Plein de rendez-vous. Donc là, le mieux, c'est d'aller vous retrouver sur les réseaux sociaux et sur votre site, de s'abonner à la newsletter et même de venir pousser la porte du 47 rue Voltaire. On le rappelle, les jours d'ouverture. Du mardi au samedi, mardi, mercredi, 10h-20h, jeudi, vendredi, samedi, 10h-22h. Des projets vraiment pour les semaines, mois à venir d'évolution de court-circuit. Bah là, on est un peu au taquet, hein. C'est vrai. C'est vrai, voilà. On a plein de projets, c'est un peu plus à long terme finalement. Donc éventuellement de la restauration avec des produits bio locaux Des produits de et chez tout nous. du fait maison. Ça, c'est un projet à très long terme. On verra comment on mettra ça en place, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait bien fonctionner au sein de notre local, ça. Eh bien, merci beaucoup, Cynthia et Adrien. Merci à Eh ben, toi. de rien. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.